croise le fer. On veut la paix, on fait la guerre. Qu'on soit soldat de plomb ou poupée de coton, peu importe la matière, on est tous éphémères. Assemblés de la même manière, de la même matière passagère. Passagère. Plus faible au plus fort, mesuré par l'argent. Qui aura le plus d'or sera le meilleur élément. Que nos cerveaux phosphores, que l'on bronze nos corps. Au-dedans, en dehors, à la vie, à la mort. Assemblés de la même manière, de la même matière passagère. Passagère. Passagère. Oh, passagère. Oh, passagère. Oh, on est tous faits de la même chair. Assemblés de la même manière, on est tous nés de la même terre. Assemblés, rassemblés sous la même lumière, de la même matière passagère. Passagère. Passagère.